T'as un doute, le doute provient du fait que t'es pas sûr. Mais il y a une partie de toi qui sait que c'est un jeu. Mais la partie de toi qui sait que c'est un jeu, elle est pas assez forte. Bon, comme là, ma partie de moi, assez, elle est forte. Et là, ta force, c'est ça la force, la centricité, cette affaire-là. Tu viens, t'es tellement dans ta force, t'es tellement dans ta lumière que... Moi, ça t'a revenu chez n'importe quand. Vous donner du café. Voilà. Ta force. Parce que tu peux plus être joué, tu peux plus. Mais, dans ce temps-là, tu l'as pas, cette force-là, parce que t'as pas souffert. C'est la souffrance qui donne cette force-là. C'est sûr, c'est pas bien. Mais il y a beaucoup de la peur aussi. Non, il n'y a pas de peur. Non, mais je veux dire, ce genre de crainte-là, que l'on dit de ne pas savoir. La crainte de ne pas savoir, c'est une crainte spirituelle. C'est tout l'avancement, c'est toujours souffrir, souffrir, souffrir. Bon, je trouve que c'est trop facile, ça a l'air. On va mieux le souffrir. Ah, vous souffrez? OK. Je suis content que vous me parliez de ça. Il y a la souffrance à imposer. La fusion s'est imposée. Ça, il n'y a rien à faire, on n'en parle pas. Mais vous autres, vous avez la chance de ne pas souffrir quand vous allez ouvrir vos lumières. Mais vous ne pouvez pas ouvrir vos lumières tant que vous n'avez pas souffert un petit peu. Parce que pour ouvrir vos lumières, il faut que vous souffrez un petit peu. Parce que c'est quand vous souffrez un petit peu que vous ouvrez vos lumières. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu mon voyage. OK. Quand tu notes ton voyage, là, quand tu commences à noter ton voyage, là, c'est parce que tes lumières commencent à s'ouvrir. Puis plus le temps passe, tout est bien sauf. Tout est bien sauf. Écoutez bien. On parle de spiritualité dans le monde. La plupart de vous autres, c'est des gens spirituels. Vous avez été spirituels. Tout d'un coup, il y a un yo-yo qui arrive à l'eau et vous dit, vous mettez tout ça à terre. Fait que vous êtes pris dans une forme qui est votre sécurité psychologique, que vous vous êtes donné, qui fait partie de votre sensibilité, ainsi de suite, de votre évolution. D'un coup, yo-yo, il arrive un jour, puis il te marche là-dedans. Puis il dit, ce que je te dis, c'est le même. Croyez-les pas, tu verras. Fait que ce qui arrive à vous autres, vous n'êtes pas donné de support psychologique. Il vous est enlevé votre support psychologique. Moi, je vous l'enlève tout le temps, votre support psychologique. Parce qu'il fait partie des illusions d'affaires. Fait qu'automatiquement, si l'ego a plus de support psychologique, qui c'est qui arrive, il souffre? Ben oui, puis non. Dans un sens, il est libéré, puis dans un sens, inconsciemment, c'est comme si tu t'attendais à ça. Ça dépend de l'ego. Là, je parle général. Souvent, je parle, si vous êtes franc, je peux parler pour deux. C'est pas ton cas. Puis il y en a, c'est leur cas. Ça dépend des cas. C'est pas fait pareil. Toi, ça fait longtemps que t'es mis dans cette vibration-là, dans cette sensibilité, depuis que t'es jeune. Depuis que t'es jeune que tu sens que t'es pas comme les autres. Depuis que t'es jeune que tu sens que tu t'en vas quelque part, mais tu sais pas où, tu sais. Mais les gens sont pas tous de même, les gens n'ont pas tous la même expérience. Parce que moi, quand je vous regarde, c'est comme si vous avez tous des numéros. C'est comme si vous êtes tous chiffrés de 1 à 10. Puis la plupart des gens que je te rencontre, sont chiffrés d'un petit numéro. Il y en a qui sont chiffrés d'un plus haut numéro. Autrement dit, il y a des gens qui sont plus sensibles intérieurement depuis le bazar. Puis il y a des gens qui se sensibilisent, qui commencent à se sensibiliser intérieurement. Surtout les vieilles générations. Fait que le passage n'est pas pareil. Moi, je ne vous parle pas de vos vibrations, je ne vous indique pas, je ne qualifie pas vos natures spirituelles ou vos natures occultes. Parce que je connais l'air d'autres femmes. Mais je les connais. C'est là que, des fois, je vais vous dire quelque chose, ça ne s'applique pas à vous demander, ça s'applique à une autre personne ou à une autre personne. C'est pour ça qu'il y en a. Il y en a pour qui c'est très facile de. Il y en a pour qui c'est très facile de m'entendre. Croteau, c'est un exemple. Croteau, c'est peut-être la personne qui m'a absorbé le plus vite, le plus facilement. De toute la guerre. De cette sainte. Fernand, c'en est un autre, sous condition. Il y en a, c'est plus facile que l'autre. Puis il y en a d'autres, c'est pas si facile que ça. Il y en a d'autres qui ont énormément de bonne volonté dans ça. Lui, c'est un exemple. Puis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au niveau de son ego, de sa personnalité, de son intérieur, mais ça a été facile au niveau de sa grande volonté de l'âme en lui. Il n'y a pas un homme fait pareil. Lui, c'est pas facile. T'sais, chacun est fait différemment. Chacun réagit différemment. Elle, ça a été plus facile dans un sens. Il y en a qui ont eu des expériences avant. Comme aimer, ça n'a pas été facile. Il n'y a pas une personne pareille. Parce que c'est pas un cadeau de se faire enlever le support qu'on a pour en être donné aucun, pour qu'on découvre le réel. Pas facile. Qui je suis, moi? Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres? Il n'y a personne qui le sait. Comme moi. Fait que si les gens ne savent pas, comment est-ce que veux-tu que ce soit facile de transfert? Ça ne doit pas être facile. Je peux être un charlatan, moi. Je peux être un gars qui a une belle gueule. Comment tu veux dire? Je peux être un autre produit de toute cette mégalomanie moderne. Je peux être un autre sorte de gourou qu'une cravate. Tu sais pas. Mais tu le sens. Oui, mais tu le sais pas. Au début. Après ça, c'est facile. Mais après, au début, pas facile. Tu marches par tes radars, finalement. Ouais. Quand t'as du radar, mais les gens n'ont pas tous le même radar. Ouais, mais les gens qui sont ici, là, quel que soit leur environnement, leur personnalité, je veux dire, c'est parce qu'ils ont senti quelque chose. Oui, d'accord. Après, au début, c'est pas facile. Qui c'est qui ont eu... Quels sont... Bon, Chiasson, c'est un exemple. Chiasson, au début, on se rappelle notre histoire. Pourtant, Chiasson, aujourd'hui, c'est... Chiasson, aujourd'hui, c'est ouvert. Moi, je me mets dans votre place. Puis je trouve que pour des gens... Alors, Croteau, c'est facile. Croteau, il se promène dans l'astral, il se fait 10 ans. Fait que tu comprends, avoir un autre ou pas avoir un autre, ça ne change rien. C'est facile pour Croteau. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il faut faire l'autobus. Pas facile. C'est pour ça que quand je regarde le monde, jouer une sorte de courage. Le courage vient de l'âme. Jouer une sorte de courage. Puis c'est ce courage-là que je trouve beau dans l'âme. C'est la seule chose que je peux vous dire. Si vous me demandez à moi qu'est-ce que tu penses de nous autres, pardon, je dirais, je trouve que vous êtes courageux, de pouvoir vous faire enlever tout ce que vous avez et le faire remplacer par rien. Parce qu'on sent que c'est là le destin. Oui, d'accord. Mais je te parle, de la part. Oui. C'est évident que tout revient à vous autres. On n'a plus le choix. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est quand vous l'avez découvert, vous avez plus le choix. Quand vous êtes découvert, quand vous découvrez, vous réalisez que c'est ça, votre vie, c'est vous autres. Mais avant ça, la dualité existe entre vous et moi. Puis après ça, c'est avec vous autres. Puis moi, je suis plus là. Moi, je suis là, je me promène, je parle. Mais je suis plus essentiel. Je suis là, je me promène. Il n'y a plus de dualité. T'es pas essentiel, mais t'es comme drogue. Je suis pas essentiel, mais je suis une drogue. T'es comme une drogue. Je suis une drogue, tant jusqu'à temps que je sois plus une drogue. Faut que vous arriviez, vous autres, un jour, à plus avoir besoin de moi. Mais je vais t'ouvrir de l'oreille. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si je suis pas supplant matériel, mais c'est un autre sujet, oui. Parce qu'on travaille tout ensemble. Mais au moins, supplant psychologique. D'abord, ça c'est bien subtil à faire. Je suis content que tu parles. Parce qu'il dit... Il dit que tout provient de notre intérieur. Tout doit être déterminé de par nous autres. Pas de l'extérieur. Autant la difficulté que la facilité. Autant la difficulté que la facilité, exactement. Faut que ça vienne de l'intérieur. Moi, si je rencontre quelqu'un, puis je sens quelque chose avec la personne, ça vient de moi. Mais il faut pas que ça vienne de l'autre personne. Influé sur moi. Ce que je veux dire, autrement dit, c'est que je peux rencontrer une personne, moi, dans la vie, puis je trouve que cette personne-là est extrêmement consciente, extrêmement... Elle me parle. Puis elle me dit quelque chose. Ça vibre en dedans parce que ce qu'elle dit, je le sens. Là, ça marche. C'est un équilibre entre moi et elle. Ça, c'est bon. Ça, c'est plus de la drogue. C'est un équilibre. C'est un échange. C'est une alliance. Moi, je peux partir. La personne continue à vivre sa vibration et nous. Mais c'est quand les gens sont au niveau de la forme spirituelle ou de la forme psychologique en relation avec moi que, à ce moment-là, ils diminuent leur propre force intérieure parce que je deviens besoin d'une béquille. Alors, qu'est-ce que je fais? Je coupe la béquille tout le temps. Je coupe la béquille. Quand j'ai suffisamment coupé la béquille, puis je la coupe la béquille, souvent les gens disent, pourquoi tu viens pas chez nous de manger? J'y vais pas. Parce que si j'y vais, je sais qu'avec eux autres, ça peut faire une béquille. Si je viens chez vous manger, on va manger, on va aider, ben, je vais aider, mais on va parler de la température. Là, à ce moment-là, c'est une alliance. J'y vais parce que vous avez de l'intelligence. C'est plaisant pour moi d'aller chez vous. Mais je suis une béquille pour vous autres. C'est ça que l'affaire de l'heure. Excusez-moi, je suis retardé. Je veux juste dire si mademoiselle a voulu avoir mon expérience pour savoir ce que c'est. En février 80, quand j'ai été appelé pour me dire que je pouvais participer au séminaire, c'était le premier, il n'y avait pas de précédent. Alors, je suis parti chez moi, je vais monter au Walkening en me disant la mort va s'en venir devant nous autres et va nous dire plus vous avez eu, alors retournez chez vous, je vous dis. Je l'ai dans le but avec les connaissances, c'est sûr qu'il allait me retourner chez lui. Je savais qu'il avait la capacité de le faire. Mais je n'allais pas là pour me faire initier ou quelque chose comme ça, j'étais sûr d'avoir cette réponse-là. Donc ça a été autre bien, mais j'avais comme un doute où je restais distant. J'étais déjà préparé à avoir le choc. Puis plus drôle, c'est que j'aurais pu le faire. Parce que je sais qu'ils sont de même. Mais ils me font pas agir le même parce qu'il y a des gens pour qui, comme pour toi, ça aurait passé. Mais tandis que dis-moi, vous venez. Il dit que les gens que je rencontre, je les rencontre pour multiples raisons. Il y a des gens que je rencontre qui ne verront jamais l'avenir, qui n'en verront jamais maintenant, qui n'auront jamais d'ouverture, ça, mais qui vont approfondir, qui vont vivre leur vie. Qui vont vivre une vie plus consciente. Puis ces gens-là, même si je parle à ces gens-là, ils disent déjà, c'est bon parce que ces gens-là, au moins quand ils meurent, ils se retrouvent sur un autre plan avec cette conscience-là, puis ça leur permet d'évoluer. Fait qu'il dit que le rapport que j'ai avec le monde, il faut qu'il soit établi à un dénominateur commun. Moi, si j'avais, exemple, supposons que j'aurais rencontré un groupe de 30 personnes, disons de la trempe de Croteau, avec le caractère de Croteau, l'expérience de Croteau. Le séminaire a été totalement différent. Ça a été une autre vibration. Mais ils font toujours agir à partir de celui qui est le plus loin de la compréhension intérieure. Puis ensuite, ils me font monter graduellement. Sans ça, il y a trop de gens qui ont besoin de comprendre des choses, même si ça comprend un petit peu, qui ont besoin de comprendre ça. Ça les aide. Puis il y en a d'autres. Moi, je suis sûr que Frodo, quand il est venu au séminaire, il n'a rien appris de moi. Je suis sûr que Fernand Lévesque, que ce qu'il a appris de moi, Fernand Lévesque, c'est en relation avec son orgueil spirituel. C'est tout. Pas d'autre chose. Mais c'est avec ça que je compte, hein. Puis c'est de ça qu'on part. Les gens viennent dans les séminaires pour toutes sortes de raisons multiples, puis ils me font prendre toujours le dénominateur commun. Je trouve que c'est comme ça que c'est bon. Faut que je m'occupe de tout le monde, je peux pas m'occuper avec des gros dos et des frères et des évêques. Question, ce qui passe, toutes les interventions qu'on a faites, même celles que je fais présentement, ça t'empêche de dire vie sur le travail. Bon, venez là. Les interventions sont amenées à parler de d'autres choses. C'est bon qu'il y ait des interventions parce que quand on parle de n'importe quoi, ça fait rire. On dit parler de n'importe quoi. Ça veut-tu dire qu'on est tous sur la même vibration? Quoi? Le groupe ici, on se trouve tous comme dans la même vibration, le même rayon. Je peux pas répondre à cette question-là, parce que si je réponds à cette question-là, il y en a qui vont interpréter ce que je dis en faveur de ce qui voudra être au niveau du corps de mes spirituels. En est où, Julie? Je peux jamais vous donner de support psychologique. Je peux simplement vous donner des outils en parlant pour vous faire découvrir vous-même, pour vous faire développer votre propre support. Sans ça, on va former l'idée. Puis on retombe encore dans la même patente. Puis par contre, il y a des choses que je ne peux pas vous dire en public, puis si je suis seul, je vous le dirai. C'est facile, c'est tout. c'est débitant quand on est à un niveau de vibration semblable que la physiologie du corps est différente. Exemple, là, on a eu une réunion dernièrement, nous, et puis avoir été dans une atmosphère, mettons, dans un bar, dans une brasserie, on aurait été abrutis toute la gang parce qu'on avait du vin, du champagne, jusque-là. Mais la vibration était tellement extraordinaire que je suis revenue chez nous, pas le visage plaqué, rien du tout. C'est comme si j'avais pris de l'eau toute la soirée. À deux reprises, on a remarqué ça. C'est vraiment... C'est l'énergie, ou je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais en tout cas, c'est que le corps assimile n'importe quoi. Oui. Quand je vous dis, moi, quand tu te conscientises, tu peux manger n'importe quoi. Tu sais, quand je parle de nourriture, c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment, on l'a vécu. Ah oui, d'accord. Ça dépend des cas, mais je prends qu'il y ait un verre d'oreille, tu rires sur elle. Hein? Oui, mais là, elle parle dans le cas d'un état mental bien vécu. Il y avait quelque chose dans l'air, en tout cas, ça flottait autour, on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier. Quoi? Bah. Lunch? Ah, ben là, on peut pas drôler une digestion. J'aimerais ça commencer. Le sujet que je veux éclaircir un peu, c'est un sujet qui est très difficile parce que les hommes ont beaucoup de personnalité. Les gens ont beaucoup de personnalité. Entre les hommes qui se conscientisent, il ne devrait jamais y avoir de conflit de personnalité. Mais il y en a automatiquement des conflits de personnalité parce que la personnalité, c'est toujours en conflit avec une autre personnalité. Les autres disent que un homme qui se conscientise doit développer la conscience objective d'un autre homme qui se conscientise. La conscience objective d'un homme qui se conscientise envers un autre homme qui se conscientise, c'est une conscience qui permet à l'homme qui se conscientise de ne pas être pris, enflammé, émotivement, par l'autre conscience, qui se conscientise et qui est encore imparfaite. Autrement dit, deux consciences imparfaites doivent apprendre à ne pas être enflammées l'une par l'autre pour permettre à l'émotion qui fait partie de la conscience égoïque de se transmuter en énergie mentale. Il y a des gens qui... D'abord, il n'y a pas deux personnes pareilles. Il n'y a pas deux personnalités pareilles. Puis deux personnalités ont toujours raison, mais ne sont pas parfaites. Et lorsque deux personnalités ont raison et ne sont pas parfaites, les deux personnalités qui ont raison doivent réaliser qu'elles n'ont pas raison. Comprenez-vous, vous voyez? Deux personnalités ont raison dans ce sens que tout ce que tu fais, c'est correct. Tu fais t'agis toujours suivant ta vibration. Ta vibration n'est pas ajustée, alors tu n'agis pas toujours avec précision. Autrement dit, tu n'agis pas toujours en relation avec l'énergie de l'âme. Tu agis souvent en relation avec ta personnalité, les émotions, et tout ça. Mais une personnalité qui comprend que l'autre personnalité est un outil à son développement, apprend à ne pas vibrer lorsque l'autre personnalité vibre en dehors de la perfection. Eux autres, ils appellent ça l'objectivité de conscience. Alors, il y a un exemple, je l'ai, un exemple parmi vous autres, là. Croteau puis le mal enfant quand il se parle. C'est la guerre, mais c'est la paix en même temps. C'est la guerre, parce que les mots sont durs, l'énergie à part. Mais les deux personnalités ne se prennent pas au sérieux, de sorte qu'ils s'amusent ensemble. C'est probablement le meilleur exemple que j'ai dans des gens que je connais trop. Elle a une gueule de fer, puis lui, il a une réplique, Puis elle a une réplique. Fait que ça arrête pas. C'est plaisant parce qu'on peut sentir par la vibration qu'il n'y a aucune animosité. Il dit que deux personnalités qui n'ont pas d'animosité peuvent laisser passer l'énergie suivant leur tempérament et leur caractère du moment qu'elles ne se prennent pas au sérieux. À ce moment-là, ben, ça donne la couleur. Avec le temps, les mots s'ajustent anyway, mais au moins les personnalités ne se prennent pas au sérieux. Il dit que c'est bien important ça parce que avec le temps, avec les années, puis avec les alliances que vous allez former ensemble, si vous n'arrivez pas à objectiver votre conscience au niveau de votre personnalité, il y aura toujours des gens parmi toute cette foule de gens-là que vous ne pourrez pas sentir. Puis s'il y a des gens que vous ne pouvez pas sentir, c'est parce que vous n'êtes pas encore suffisamment mûr dans votre conscience. Une personne qui est mûre dans sa conscience, ça peut sentir n'importe qui, parce qu'elle n'est pas empluée par la personnalité de n'importe qui. Et là, il y a des gens qui sont faciles de personnalité. Il y en a qui sont pesants, blablabla. Il y a des gens qui sont plus difficiles de personnalité. Il y a des gens qui ont effectivement des rapports de personnalité qui sont difficiles. Ça, il dit que c'est bien important de comprendre ça parce qu'il va venir un point où vos personnalités vont... Les personnalités qui s'infligent de la turbulence vont être obligées de dépasser cette turbulence-là pour arriver à un niveau supérieur de vibration. Une personnalité devra toujours être libre d'une autre personnalité. Puis pour qu'elle soit libre d'une autre personnalité, il faut qu'elle soit libre d'elle-même. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle se prenne au sérieux. Il dit que tout le monde a raison parce que tout le monde est dans une vibration quelconque. Mais la raison n'est pas manifestée d'une façon parfaite parce que les corps ne sont pas ajustés. Fait que les personnalités ne devraient pas se prendre au sérieux et les personnalités ne devraient pas accuser les autres personnalités de telle chose, de telle chose, de telle chose. Sans ça, ça développe constamment de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention. Puis automatiquement, éventuellement, si les personnalités n'en arrivent pas à cette harmonisation en relation avec la compréhension du principe de la conscience, il demeurera toujours dans les personnalités une forme d'orgueil. Et s'il y a une forme d'orgueil dans la personnalité, éventuellement, eux autres, l'âme va être obligée de la mettre à terre, de la détruire. Sur le plan des hommes, on peut toujours jouer, on peut toujours manipuler l'énergie entre les hommes par les formes. Mais quand on rentre au niveau de l'âme, c'est que ce qui va arriver, c'est que les personnalités, si les personnalités développent trop d'orgueil, le mouvement d'énergie va être vertical de l'âme à ces personnalités-là, puis les personnalités vont souffrir énormément pour que se détruise ce fléau qui fait partie de l'inconscience de l'âme. On ne peut pas se permettre, en tant qu'être conscientisant ou être qui se conscientise, de ne pas voir les illusions de nos personnalités. Mais on peut se permettre et on doit en arriver à être suffisamment flexible pour pouvoir absorber totalement une autre personnalité, parce que les personnalités qui sont dans nos vies sont là pour qu'il y ait un travail qui se fasse. Quand une personnalité est capable d'absorber une autre personnalité sans vibrer au niveau psychologique, humain, émotivement, à ce moment-là, cette personnalité-là grandit très vite. Et il se crée en elle des forces qui vont directement de l'âme à l'ego et qui soulèvent l'ego vers l'âme et qui soulèvent la personnalité vers l'esprit de l'ego qui se forme dans ce processus-là. Puis, c'est normal, il dit qu'il y a des conflits entre les personnalités. C'est normal, on est des hommes. Un jour, cette normalité-là doit être totalement transmutée pour qu'elle disparaisse totalement. Deux êtres conscients ou qui se conscientisent ne peuvent pas être dans un choc constant au niveau de la personnalité. Parce qu'éventuellement, les vibrations vont changer. Puis quand ils changent, quand même que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, ils vont faire passer des changements vibratoires. Parce qu'ils sont anti-égaux. Ils sont anti tout ce qui retarde l'évolution de l'âme. Alors, soit qu'ils séparent les personnalités, c'est ce qu'ils peuvent faire, les séparer complètement, créer un choc entre les personnalités pour qu'ils se développent une antipathie entre les personnalités, pour que les personnalités se rencontrent. Pour qu'une personnalité aille à son évolution et l'autre aille à son évolution. Ou les rapprocher les personnalités pour que se brûle ce matériel-là des personnalités qui est astral, qui est lié à l'orgueil personnel, qui est lié à qui est lié à la façon dont on voit la personnalité des choses, de l'autre personnalité, que ça se brûle complètement. Qui peut faire un ou l'autre. Mais éventuellement, ça se fait. On n'est pas sur le plan matériel quand on rentre en relation avec l'énergie blanche pour effectuer sur le plan matériel une mise à point de ce que l'on pense qu'on sait. On est sur le plan matériel pour faire l'expérience de plus en plus parfaite du rapport entre l'âme et l'ego qui universalise les âmes et qui ne les divise plus. Et autant c'est normal qu'il y ait des conflits entre personnalités. Un exemple, c'est entre ces deux, entre eux autres, la mère enfant. Mais c'est assez intéressant parce que ils ont suffisamment d'objectivité pour prendre la mère enfant objectivement. Alors, il y en a comme la mère enfant qui sont des outils dans tout ce trafic-là d'énergie. Qui sont des outils malgré eux-mêmes. La mère enfant n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt personnel à gueuler. Elle est mal engueulée. Mais elle est bien dans sa direction. Elle n'en souffre pas. Les gens qui sont près d'elle, comme Madame Landry, bénéficient de cet outil-là. Parce qu'il n'y a pas Mme Landry qui est dans cette énergie-là. La manière enfant aussi. Parce que quand tu es mal engueulé, tu l'énergie passe, t'es tout. T'es le support de cette énergie-là. Autrement dit, mais moi, t'es un outil. Mais quand ça te passe dans le corps, t'en arrives à un point, ça te fait plus rien. Mais t'as eu un point, mais ça fait aux autres, tu devrais bien être un petit peu plus. Être un outil ou être l'opposé d'un outil, c'est la même chose. Que ce soit la manière enfant ou que ce soit l'autre. Il y a un travail de l'âme qui se fait. Ah, si ma mère enfant apprend objectivement, elle grandit. Puis elle a sa aide d'outils. Fait qu'il y a un rapport entre les deux personnalités. Les personnalités n'appartiennent pas à l'ego. Il faut que les personnalités apprennent avec le temps que leurs valeurs sont simplement des valeurs qui sont substituées à l'âme tant que l'ego n'est pas uni à l'âme. Une fois que l'ego est uni à l'âme, l'affaire de personnalité, sans que ça, personnalité. Il y a un canal qui est formé entre l'âme, l'ego et la personnalité, puis ça marche, une énergie forte. Les gens qui peuvent prendre la personnalité objectivement grandissent dans la vibration. Alors, si une personnalité est antipathique à une autre personnalité, le travail qui se fait quand les deux personnalités se choquent, c'est un travail extraordinaire. Seulement si l'ego reconnaît l'objectivité de la conscience. Si l'ego ne reconnaît pas l'objectivité de la conscience, éventuellement, il va y avoir une débandade. Les personnalités vont se séparer. Il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas d'harmonisation. Et les égaux ne bénéficient pas de l'augmentation du taux vibratoire dans le mental. Parce que l'expérience est vécue sur le plan émotionnel. L'objectivité de conscience, ça a été la clé de base qui m'a permis de former un petit noyau d'hommes et de femmes avec lesquels je vis dans ma vie. Si ces gens-là n'avaient pas vécu l'objectivité de conscience, autrement dit, si ces gens-là n'avaient pas réalisé que c'est pas moi qui parle, ou c'est pas moi qui fais ci, ou c'est pas moi qui donne les choses, ces gens-là n'auraient jamais pu avoir aujourd'hui la conscience qu'ils ont. Parce que leur esprit ne se serait pas formé à leur énergie, leur ego aurait constamment vibré à leur émotion. Puis c'est avec ces gens-là aujourd'hui que je vis d'une façon étroite. Ce sont mes amis tous les jours. Puis au niveau de l'humanité, c'est la même chose. Le même mécanisme existe. Le même mécanisme, c'est un mécanisme universel. Parce que c'est un mécanisme qui détruit la personnalité subjective pour donner à l'homme une personnalité objective qui est une façon parfaite sur le plan matériel à l'homme d'exécuter ses travaux. C'est extraordinaire quand on comprend l'objectivité de conscience et qu'on peut vivre l'objectivité de conscience. Et à partir de ce moment-là, il est impossible à l'homme de se former des ennemis. Il me semble que c'est l'insécurité qui fait qu'on se retranche. C'est juste. C'est toujours l'insécurité. Tout le temps l'insécurité. On a peur d'une personne. C'est ça. L'insécurité. On a peur de soi-même. Exactement. L'insécurité engendre l'orgueil. L'insécurité engendre l'orgueil, engendre la vanité. L'insécurité dans le pile ou face, là. T'as l'orgueil d'un bord de l'insécurité de l'autre. C'est fort l'insécurité, c'est dangereux l'insécurité. Parce que l'insécurité est la mère de l'orgueil. Elle donne naissance à l'orgueil. C'est une souffrance. Effectivement, c'est une souffrance. Parce qu'on se rend compte que des fois, mettons au premier abord avec quelqu'un, c'est le feu, puis finalement connaître la personne, puis quand mettons, on est plus sûr de soi, ben ça peut être très positif parce que c'est des éléments créateurs. C'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on peut avoir l'inverse aussi, à un moment donné, tu as l'impression que tu es dans la même vibration que quelqu'un, ça va marcher X années, tout d'un coup, ça marche pas. Oui, tu peux avoir l'inverse parce que tu peux avoir l'impression que tu es dans la même vibration d'une personne parce que des fois, on vous lit ensemble. Il y a des gens qui sont mariés depuis des années de temps, ça marche bien. Ils aiment tous les deux le théâtre, ils aiment tous les deux aller jouer au quai, ils aiment tous les deux aller faire de la pêche. Puis un jour, il y en a un qui découvre d'autres choses, puis là, l'autre, il ne l'a pas. Il y en a rupture. Puis il y a beaucoup de gens qui sont liés comme ça au niveau des formes, ça marche. Aussitôt qu'une personne avance au-delà d'une forme, là, il n'y a plus de pas, là. C'est exactement ce qu'elle est. Il y a une chose que je voulais dire juste avant que vous disiez ça. Comment est-ce que vous m'avez demandé ça, cette question-là? Parce qu'elle disait que des personnes qu'on n'aime pas, là, si on s'attarde à les découvrir, ça vient que sont plus sympathiques. Ouais. Mais j'ai dit, ça pourrait-tu être l'inverse? Que... Contraire aussi, oui. Oui, parce que c'est tous les deux basés sur des formes. Je peux rattraper ce que je veux. Tu parlais que la sécurité était la mère de l'orgueil. Ouais. Ça revient, pas loin. Bon. Une personnalité n'est jamais parfaite. Tant que l'homme n'est pas fusionné. C'est évident qu'au fur et à mesure que les alliances se forment parmi les hommes, il y aura toujours des petits aspects d'une personnalité qui n'est pas ajustée. On la sent avant. Mais si on a l'objectivité de conscience, ça nous permet sur le plan matériel, avant la fusion, avant l'ouverture du troisième œil, d'avoir une alliance parfaite avec les hommes. Autrement dit, on n'a pas besoin d'avoir une personnalité parfaite pour avoir une alliance parfaite. On peut avoir une alliance parfaite, même si on n'a pas une personnalité parfaite, parce que la personnalité s'objectivise, ne prend... La personnalité réalise que l'autre personnalité est dans le même médium d'énergie qu'elle. Elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. Tu ne peux pas demander à un ami en lui d'être tout ce qu'elle est. Tu ne peux pas demander à un ami en lui d'être tout ce qu'il est. Il avance, toi et lui. Il avance. Si un prend la personnalité de l'autre objectivement, puis l'un prend la personnalité de l'autre objectivement, ça s'ajuste avec le temps, mais il faut le savoir. Puis quand on sait, on en prend conscience. Quand on en prend conscience, les vibrations s'ajustent, et ainsi de suite. Eux autres disent que c'est très triste de leur monde de voir comment et pourquoi et jusqu'à quel point les gens se déchirent. C'est pour ça qu'ils préfèrent qu'il y ait sur la terre de l'amour spirituel qu'il n'y avait pas partout. Même si l'amour spirituel retarde l'évolution, ils préfèrent qu'il y ait de l'amour spirituel parce qu'au moins, ça empêche les gens de se déchirer. Puis c'est ça qui est à la base de la chrétienté et la venue du Nazaréen. Parce que même si dans l'amour spirituel, dans l'amour psychologique, les gens s'unissent à l'intérieur des formes, au moins ils ne se déchirent pas. La créature animale de l'homme ne prend pas le dessus. C'est ça qui donne la civilisation. Mais quand l'homme se conscientise et que l'homme connaît les illusions de la personnalité et qu'il est dans l'axe de lumière qui est formé par l'ordre de personnalité l'ego, à ce moment-là, il devient extrêmement sensible aux conflits de personnalité Puis sachant les illusions de ces conflits-là, c'est pénible pour lui parce que autant il réalise les imperfections de la personnalité, autant il voit derrière la personnalité l'angle de travail. Il dit que c'est pour ça que c'est impossible à l'homme sur la terre d'être fraternel dans le sens cosmique ou occulte du terme. Être fraternel avec un être, c'est être en harmonie psychologique et vibratoire avec cet être-là, même si on sait que cet être-là n'est pas parfait. Parce que si t'as pas de même, dans l'évolution, il y a une hiérarchie. Il y a des êtres qui sont plus perfectionnés que d'autres. Mais à un certain moment, faut plus qu'il y ait de division ou de séparation ou de comparaison possible entre les êtres. Faut qu'il y ait une unité totale. Une universalité totale. Alors, ça peut plus être au niveau de la personnalité. Ça peut plus être au niveau de l'ego. Ou de la créativité de l'ego. Il faut que ce soit au niveau de l'âme. Pour que les personnalités réalisent dans l'autre personnalité cette universalité des âmes, il faut que les personnalités soient dévêtues, c'est-à-dire qu'il faut que les personnalités apprennent à se prendre objectivement, et dans ce processus-là, elles se dévêtissent. Sans ça, la personnalité garde toujours des enveloppes et des enveloppes et des enveloppes de formes, de sentiments, d'émotions quelconques qui empêchent un rapport étroit avec l'autre personnalité. Comment voulez-vous que les hommes puissent rencontrer les hommes d'une façon universelle s'ils ne comprennent pas ça? C'est à la source de tous les conflits dans le monde, à tous les niveaux. Les nations, même, ne se rencontrent pas à cause de la personnalité. Puis ça peut se faire seulement sur le plan individuel. L'objectivité de conscience, c'est la garantie de la fraternisation de l'homme. C'est la grande garantie. C'est pas toujours avec les gens qui sont faciles que ce phénomène-là est mis en relief. C'est avec les gens qui sont pas faciles. Toi, tu es un exemple. Pourtant, tu es très facile. Moi, je le sais comment est-ce que t'es facile, mais c'est parce que moi, j'ai des yeux pour voir. Les gens te trouvent compliqué, ouais. Les outils sont toujours sujets à être mal compris. C'est normal. Parce que les outils sont dans la vibration de l'âme, et cette vibration... D'abord, regarde, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que t'as pas d'orgueil? Pourquoi est-ce que tu n'es pas orgueilleuse? Parce que si tu étais orgueilleuse, tu ne pourras pas avoir cette vibration-là. Pourquoi est-ce que Croteau n'est pas orgueilleux? Parce que tu ne pourras pas avoir cette vibration-là. Tu ne peux pas avoir d'orgueil et de vibration-là. Soit tu as d'orgueil et tu n'as pas de vibration, ça peut prendre des années de temps, ou tu n'as pas d'orgueil et tu as de vibration. Parce qu'eux autres, ils ne s'occupent pas que vous soyez spirituel, que vous ayez été dans la strate. Ce qui s'occupe, c'est que vous qu'il n'y ait pas en vous, dans votre personnalité, d'orgueil. Parce que l'orgueil bloque l'énergie automatiquement. Parce que les gens qui sont des outils doivent servir à un travail que souvent ils ne comprennent même pas eux-mêmes, dans toute son amplitude. Alors, ils ne peuvent pas être d'orgueil. Voilà ce que je comprends. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu comprends un petit bout de l'histoire. Ouais. Ouais. Il n'y a rien à comprendre. On est qu'à vivre. C'est quelque chose, l'affaire de l'orgueil. Puis là, toutes les qualités, toutes les sables de l'orgueil, c'est une vibration, l'orgueil. Dans le mental inférieur de l'homme. Puis, tu sais, on dit souvent dans les vieux textes, on dit tous les plans de Dieu sont incompréhensibles. Mm-hmm. C'est exactement ça. Autrement dit, la façon dont ils se prennent, ils prendront le plus simple pour créer le travail le plus important. Ça, je vous le dis, c'est le même. Les forces occultes, les forces de l'œil humain ne travaillent jamais selon les intentions ou les désirs de l'homme. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Vous avez des histoires dans les textes ésotériques depuis des siècles. Parce que les lois de la lumière ne sont pas des lois psychologiques, ce sont des lois vibratoires. Pas des lois psychologiques. Regarde le frère André. Pas d'éducation. Un niaiseux. Regarde les saints, des balayeurs, des nettoyeurs de toilettes. Les balayeurs des monastères. C'est toujours la même histoire. Toujours des gens saints, pas d'orgueil. Moi, quand j'étais petit gars, j'étais bien intelligent, d'accord, je suis intelligent pour pouvoir faire ce que je fais plus tard. J'avais un mental développé, mais j'avais pas d'orgueil. J'avais de la fierté. J'étais un lion double, tu peux t'imaginer, j'avais de la fierté. Mais pas d'orgueil. Là-dedans, je connais pas ça. Je connaissais pas ça. J'ai jamais connu ça. Ma mère, elle disait, ah, mon Bernard, t'as des bonnes notes, t'as des bonnes notes, t'es bien intelligent, puis ça me faisait rien. Il y a pas d'orgueil. J'ai pas connu ça, l'orgueil. Parce qu'il y a une part en nous autres, il y a un petit quelque chose qui nous fait se réaliser qu'il n'y a rien là. Comme les sept péchés capitaux, c'est le plus souvent c'est l'inconscient. Les sept péchés capitaux, on a fait inconsciemment. Alors, Greg, c'était. Pas celui-là. Donc, on parle aussi. Alors, on fait ça, les sept péchés capitaux, mais. Le plus souvent, tu sais que ça arrive plus souvent inconsciemment. Oui. Oui. Effectivement. Mais ils sont là pareil. Oui. Oui. Ça fait partie de l'inconscient. C'est la fondation de l'inconscient. Ça engendre tout ça de l'inconscient. On dirait que l'orgueil, on vient au monde avec ça. C'est une partie, c'est une imperfection. L'orgueil, c'est. L'orgueil. Provient d'une sorte d'imperfection de l'âme. C'est une imperfection de l'âme, l'orgueil. Fait que si l'âme veut se parfaire là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Elle est obligée de soumettre l'ego à des tests psychologiques ou des tests vibratoires. Pour élever la vibration de l'ego, pour qu'elle puisse réfléchir parfaitement dans l'ego. Bon, ça c'est bien intéressant. Il dit que l'âme ne peut pas être totalement parfaite tant qu'elle ne s'est pas réfléchie parfaitement dans l'ego. Réfléchir veut dire quoi? Réfléchir dans l'ego. L'âme se réfléchit dans l'ego par le mécanisme de sa vibration. Autrement dit, l'âme émet une vibration, disons que l'âme est imparfaite. Il y a quelque chose à corriger. Elle émet une vibration, puis l'ego, lui, si il ne réagit pas à cette vibration-là, ça parfait l'âme. L'âme est toujours rendue de plus en plus parfaite par le mécanisme de sa réflexion dans l'ego. L'expérience. Alors, si l'âme est encore imparfaite parce qu'il y a un mécanisme de l'orgueil qui existe encore, c'est vibratoire, l'orgueil, au niveau de l'âme. L'imperfection de l'âme, c'est toujours au niveau de l'énergie. C'est jamais au niveau d'une vertu quelconque. Mais c'est dans l'ego, quand la vibration part de l'âme vers l'ego, que la perfection est rendue dans l'âme, par réfléchissement. C'est pour ça que l'expérience de l'âme est essentielle à l'évolution de l'âme. L'évolution de l'âme, l'âme au début était simple, était imparfaite. Elle a beaucoup d'expérience, au travail de groupe, beaucoup d'expérience par l'incarnation. Il y a un mouvement de réfléchissement qui se fait, là elle devient plus parfaite. Quand il est arrivé à un point, l'âme, où elle doit constituer une unité avec l'ego, le dernier bloc, c'est l'orgueil. Alors, L'orgueil, c'est pas la faute de l'ego. L'orgueil, c'est une vibration qui part de l'âme, qui se réfléchit mal dans l'ego et qui doit se réfléchir correctement dans l'ego.